Bonjour, voici la lecture d'un texte de Jacques Caplin, qui est agronome, ethnologue et géographe, qui a fondé le réseau Semences Paysannes et qui fait partie de l'association Agir pour l'environnement. C'est un texte qu'il a publié sur différents réseaux, dont Mastodon, et en voici la lecture. Ah oui, comme d'habitude, vous trouverez dans la description de cette lecture sur archive.org, sous le compte Caracol, vous trouverez plein de détails, des liens vers d'autres ressources, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir. Covid, solidarité, humanité, responsabilité. Lors de mes conférences et réunions, la plupart des participants et des participantes s'étonnent de me voir porter un masque. J'en suis extrêmement déçue et préoccupée, venant de militants et militantes paysannes et écolos. Je vais commencer par un peu d'anthropologie avant de revenir à l'épidémiologie et à la responsabilité politique. Premier point, ce qui fonde l'humain. Depuis notamment les travaux du paléoanthropologue kényan Richard Leakey, il est admis que l'un des facteurs clés dans l'évolution du primate vers sapiens a été le soin solidaire. Le groupe prend soin des plus faibles, des malades, des blessés, des bébés, des vieux. J'insiste, la vie en société et la solidarité envers les plus faibles est un des préalable au développement de l'humanité en tant que telle, c'est consubstantiel à l'humain. Cela n'a pas à être expliqué, puisque c'est un facteur initial, une condition préalable. Sans solidarité envers les vulnérables, nous perdons notre humanité. Or, cette solidarité signifie par définition refuser la simple sélection naturelle. Permettre aux myopes d'avoir une vie normale grâce à des lunettes, et donc d'avoir des familles et des enfants, c'est refuser que les myopes soient éliminés de l'humanité. Permettre aux bébés malades de survivre aux maladies infantiles, raison principale de l'augmentation de l'espérance de vie qui est une moyenne, c'est refuser que certains profils génétiques soient éliminés de l'humanité. Il faut donc le dire clairement, celles et ceux qui pensent qu'il faut laisser mourir les personnes vulnérables à telle ou telle maladie se placent fondamentalement et par définition en dehors de l'humanité. C'est précisément pourquoi l'eugénisme est une abomination. Deuxième point, le Covid est actuellement endémique. Du fait de l'irresponsabilité insoutenable de la plupart des gouvernements, particulièrement en France, le Covid s'est installé profondément. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous pensent qu'il est maintenant mineur. Soyez honnête, si vous le pensez, vous vous mentez à vous-même pour éviter le changement de vos habitudes de vie. Exactement comme le font les climato-négationnistes, même mécanisme de déni. Car qui peut réellement et sérieusement penser que supprimer le thermomètre suffirait à éliminer la fièvre? Soyez honnête, bis. Vous savez bien que tous les indicateurs de suivi du Covid ont été éliminés. Quasiment plus de tests PCR, plus de remontées statistiques, etc. Et que c'est la seule raison de sa disparition du paysage médiatique. En acceptant cette mystification, vous jouez le jeu du gouvernement, que le Covid dérange à la fois parce qu'il montre son incompétence gravissime et parce qu'il perturbe l'économie. Les médias partagent une responsabilité en acceptant de ne plus parler du sujet, en jouant le jeu de son invisibilisation artificielle. La réalité, très facile à vérifier via des publications scientifiques ou le suivi de la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, indicateur indiscutable et édifiant, je précise qu'il a été abandonné en France, La réalité, donc, est que le Covid continue à circuler constamment à un haut niveau. Et, en plus, avec une nouvelle vague qui débute. Le Covid n'est pas une maladie saisonnière comme la grippe. Il circule toute l'année. Et la rentrée scolaire va amplifier la nouvelle vague actuelle, puisque le brassage des enfants à l'école est le premier facteur de diffusion. Ce fait, totalement admis et évident dans la littérature scientifique mondiale depuis 2 ans, a été nié en France par les irresponsables qui nous dirigent. Ce déni français est un motif supplémentaire de colère extrême. Troisième point, les conséquences sanitaires et humaines du Covid. Bien sûr, le Covid tue. Et ce fait suffit déjà à ce que nous mettions en œuvre tous les moyens possibles pour le limiter. Mais c'est d'une certaine façon bien pire. Il handicape à un taux très supérieur à sa létalité. S'il ne tue que, avec plein de guillemets, 1% des personnes atteintes, il laisse des séquelles gravissimes chez 5 à 10% des malades. Ces séquelles, notamment neurologiques et cardiaques, sont très bien documentées par les épidémiologistes et virologues à l'échelle mondiale, mais scandaleusement étouffées en France, selon la logique de déni que j'évoquais précédemment. Ce que l'on appelle les Covid longs touche environ 2 millions de personnes en France, provoquant plusieurs centaines de milliers d'arrêts de travail prolongés. Ce qui, d'ailleurs, explique l'apparente baisse actuelle du chômage, qui correspond en fait tout simplement au remplacement des salariés en arrêt maladie. Là, il est cité un article paru sur nature.com, qui sera dans les descriptions du texte. Le Covid se transmet par la respiration, par aérosol, mais ce n'est pas une maladie respiratoire comme on l'a cru au début. C'est une maladie qui s'installe dans l'organisme entier et dont les affections les plus graves touchent le cœur et le système nerveux, notamment le cerveau. Par ailleurs, du fait de ces séquelles, les systèmes immunitaires fragilisés sont plus sensibles à d'autres maladies. À moyen terme, de nombreuses morts vont être attribuées à des grippes, crises cardiaques, maladies auto-immunes, AVC, etc. alors qu'elles ne seraient pas advenues sans une infection préalable de la personne par le Covid. Cela n'apparaît pas dans les statistiques des morts du Covid, mais c'est bien une mortalité due au Covid. Pour votre info, le plus souvent vous attrapez le Covid, le plus souvent vous risquez de telles fragilisations immunitaires et un Covid long. Certains ici et certaines vont hausser les épaules et grogner « catastrophisme », alors que je cite les travaux internationaux indiscutables et faisant consensus. Si vous poussez ce soupir condescendant, vous réagissez exactement comme les climato-négationnistes. Quatrième point, un virus aéroporté. Il n'y a plus aucune discussion scientifique sur la transmission du Covid, il est aéroporté. Oubliez les consignes simplistes de 2020 sur la distanciation, car nous ne parlons pas ici de gouttelettes projetées à 1 mètre, postillon, toux, éternuement. Ces projections sont certes concentrées en SARS-CoV-2 et doivent être évitées, mais elles sont dérisoires par rapport au mode principal de transmission, la respiration. Les aérosols de respiration se diffusent comme la fumée de cigarette. Même si le malade vous tourne le dos, même s'il est à 20 mètres de vous, à l'autre bout de la salle, les aérosols finiront par vous atteindre si vous restez plusieurs dizaines de minutes dans la même pièce fermée. Dès lors, la protection ne s'obtient pas par la distanciation, mais par l'aération et par le port d'un masque. Dans un monde idéal, où le gouvernement serait responsable et compétent, un grand programme d'aération des salles publiques aurait été lancé depuis 2 ans. Écoles, hôpitaux, restaurants, cinémas, salles de réunion, EHPAD. En l'absence d'une telle aération, Et il n'y a qu'une seule solution pour éviter de diffuser le Covid dans une pièce fermée. Porter un masque. Et par pitié, un masque FFP2, car les masques chirurgicaux protègent très peu, uniquement si 100% des gens le portent et très rigoureusement ajusté. Et encore. Est-il vraiment nécessaire de rappeler que les trois quarts des porteurs du Covid sont asymptomatiques? Est-il vraiment nécessaire de rappeler que même si vous n'avez aucun symptôme, vous pouvez en être porteur et qu'il faut donc que vous portiez un masque, même si vous ne pensez pas être malade? Cinquième point. Les vulnérables, avec plein de guillemets, n'ont plus de vie sociale. En l'absence de politique partagée de protection solidaire contre le Covid, les personnes dites vulnérables sont en danger de mort. En effet, les personnes immunodéprimées, notamment du fait des soins contre un cancer ou ayant bénéficié d'une greffe, etc., ou les personnes avec handicap génétique, dialysées, avec de graves affections cardiaques, âgées, ou les personnes allergiques aux vaccins, etc., etc., etc., ont un risque considérable de mourir si elles développent un Covid. Elles doivent donc absolument éviter de l'attraper. La question de la transmission est cruciale. Dans une salle fermée, si ces personnes vulnérables portent un masque, mais que toutes les autres personnes n'en portent pas, il n'y a pas de protection suffisante. Pour que les masques protègent les vulnérables, il faut que tout le monde porte un masque. L'argument « portez le masque si vous avez peur, mais laissez-moi ne pas en porter » est une ignominie. D'une part parce qu'il place sur le terrain de la peur le fait de ne pas vouloir mourir, et c'est abject. Ensuite parce qu'il s'agit d'une insulte à l'épidémiologie et à la responsabilité médicale. Non, il ne suffit pas que les vulnérables portent un masque. Il faut que nous portions toutes et tous un masque. Comme ce n'est pas le cas, les personnes vulnérables n'ont pas d'autre solution que de s'interdire toute vie sociale. Ils et elles ne peuvent plus aller au ciné, au restaurant, dans des réunions, dans des conférences, à des concerts, etc., etc. Là, il y a un lien vers un article de France Info TV avec un point sur la vie des personnes immunodéprimées. Pareil, il sera en description. Je ferai sans doute des précisions en fin de lecture sur certains passages de ce texte. Sixième point, être humain et responsable. Admettre cet état de fait, c'est abdiquer notre humanité. Ne pas porter de masque, c'est soit considérer comme normal que des personnes vulnérables n'aient plus de vie sociale, soit, encore pire, considérer comme pas grave qu'une partie de l'humanité meure alors qu'on pourrait facilement l'éviter. Car nous ne parlons pas ici d'un dilemme du tramway, il ne s'agit pas de choisir entre X morts ou Y morts. Il s'agit juste de choisir entre X morts et XXXX personnes handicapées et mon confort personnel. Celles et ceux qui osent invoquer leur liberté de ne pas porter un masque placent leur confort personnel devant des vies humaines. Ils et elles disent explicitement préférer que des gens meurent plutôt que de faire un effort qui ne coûte pourtant presque rien. C'est juste intolérable, inexcusable. C'est précisément se placer en dehors de l'histoire humaine, voire le premier point. Incidemment, ces cyniques sont très mal placés pour donner la leçon sur l'inaction climatique puisqu'ils et elles font exactement la même chose. Préférer ne rien changer à nos habitudes de vie plutôt que de faire preuve de solidarité humaine. Nous aimerions toutes et tous que la crise climatique soit finie. Nous aimerions toutes et tous que le Covid soit fini. Mais nier la crise climatique ou le Covid ne servira à rien. Septième point, pallier l'inaction politique. Alors, bien sûr, les premiers irresponsables sont les gouvernements populistes, à commencer par le gouvernement français. Début 2022, Emmanuel Macron a promis un grand programme d'aération des écoles et lieux publics. Depuis, rien, rien, rien. En 2020, le gouvernement avait nié l'importance des masques pour ne pas avoir à affronter la responsabilité, sa responsabilité, dans leur pénurie en France à l'époque. Et cette turpitude a encore des conséquences aujourd'hui par la minimisation de l'importance des masques. Depuis un an, les hôpitaux n'imposent plus le masque, y compris dans les services dont les malades sont particulièrement vulnérables au Covid, comme la cardiologie. C'est un niveau d'irresponsabilité effroyable et criminel. D'une manière générale, pour le Covid, comme pour la crise climatique, le gouvernement cherche à culpabiliser les Français et les Françaises et à leur demander des efforts individuels, voire à les brimer, au lieu d'assumer sa responsabilité politique. Ok. Mais cette crise politique, cette critique politique, ne nous autorise pas à la politique du pire, ne nous autorise pas à ne rien faire et à laisser mourir des vulnérables. Certains réseaux anarchistes et syndicaux agissent heureusement et mettent en place des procédures sanitaires responsables. C'est par exemple le cas ici de Révolution Permanente qui a tenu son, je précise, qui a tenu son université d'été en imposant le port du masque en intérieur et en distribuant des masques pour que ce soit possible. Tout n'est pas parfait, mais au moins, c'est à peu près les seuls qui l'ont fait dans les universités d'été. Des comptes et des sites partagent les ressources sur l'autodéfense sanitaire pour lutter contre les maladies aéroportées telles que l'association ARA, A2RA, ou le collectif Cabriole. C'est un collectif dont j'ai fait régulièrement des lectures. L'aération des lieux publics limiterait considérablement la transmission et permettrait donc une vie sociale pour toutes et tous, mais aurait également un effet d'atténuation des vagues et du niveau endémique constant, ce qui réduirait le taux de mutation. Plus on laisse circuler le virus, avec le mythe délirant de l'immunité collective, qui signifie en fait une abjection hygiéniste, plus on favorise le nombre de mutations et la vitesse d'apparition de nouveaux variants, ce qui réduirait progressivement la pandémie jusqu'à potentiellement l'éteindre peu à peu. À défaut d'une telle action politique collective, nous avons une responsabilité humaine élémentaire, porter un masque dans des lieux clos. Cela ne se discute pas, sauf à nier les valeurs humaines. Voilà, c'est la fin du texte de Jacques Caplin. Je me permets d'apporter 2-3 précisions. Il me semble, mais je n'ai pas suffisamment de compétences pour ça, il me semble que la notion de sociologisation de l'espèce humaine à partir du moment où elle prend soin des autres a été questionnée, je vais le dire ça comme ça. Du coup, c'est une théorie que je trouve chouette, mais il me semble qu'elle est pas complètement, évidemment, vu qu'on ne vivait pas à cette époque et qu'on n'a pas de témoignage, pas complètement certaine. Je suis un peu perturbée par l'utilisation du mot irresponsable que je trouve dépolitisant. Et il y a aussi une personne qui récemment a remis en question la notion du déni en soulignant que c'était une forme de dépolitisation du problème et de psychologisation du problème. Et je comprends l'utilisation du déni puisque j'ai tout le temps utilisé. Et en fait, je trouve que souligner le fait que ça déresponsabilise et dépolitise, c'est important. Même si on ne trouve pas tellement d'autres mots à la place du mot déni qui soit plus juste. Voilà. Globalement, de toute façon, ce texte va dans un sens absolument évident. Et j'en profite pour signaler que des initiatives de plus en plus fortes se prennent un peu partout, dont une initiative qui s'appelle Mask Bloc. Ça vient des États-Unis, d'où le terme Mask Bloc. Ce n'est pas forcément destiné spécifiquement aux manifestations, contrairement à ce qu'on pourrait croire en premier lieu. C'est plutôt actuellement des distributions devant des lieux de soins où le port du masque disparaît et met en danger du coup énormément de personnes qui sont dans des situations vulnérables, parce que quand on va dans les lieux de soins, c'est qu'on va pas très très très très bien déjà. Et en fait, il se trouve que les lieux de soins deviennent des gros vecteurs de propagation du Covid, ce qui est dramatique. Ça s'appelle le Covid nosocomial. Et dans ces situations-là, puisqu'on le chope dans des lieux de soins. Et du coup, il y a une urgence à au moins protéger dans les lieux de soins. Je rajoute aussi que la protection par rapport au Covid, et du coup, le fait de porter un masque, c'est pas uniquement pour se protéger ou protéger des personnes dites vulnérables, d'autant plus qu'on sait que le Covid ne touche pas que des personnes dites vulnérables et ne détruit pas la vie que des personnes dites vulnérables. C'est arrivé à plein de gens qui font très gaffe à leur vie et qui n'avaient pas spécialement de problèmes de santé. Du coup, porter un masque, c'est aussi un signe que la santé des autres nous importe et que la solidarité nous importe, en fait. Et il n'y a pas que le port du masque, évidemment, qui protège. C'est un ensemble de mesures qui devraient être prises. Donc il y a le vaccin, il y a l'aération et les purificateurs d'air, et le masque, et d'autres choses encore. Et plus on fera attention à avoir plusieurs couches de protection, plus le Covid reculera, en fait. Et d'autres maladies, d'ailleurs, parce que quand on se protège du Covid, on se protège aussi des rhumes, des grippes, etc., etc., et de plein d'autres maladies. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est un peu long comme explicatif supplémentaire. Comme d'habitude, je vais mettre plein de ressources dans la description du texte sur archive.org. Vous pouvez retrouver plein d'autres textes donc sur mon compte Caracole, Caracole, sur archive.org. Et oui, il y a un site qui est hyper pratique, qui est autodéfensesanitaire.fr, qui est régulièrement mis à jour par des personnes qui le tiennent et qui contient vraiment toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin à un moment ou à un autre, des tracts, enfin vraiment plein de choses. Et il y a aussi une nouvelle association, l'association ARA, Association pour la réduction des risques aéroportés, qui fait de l'information sur les risques des infections aéroportées, donc de la mutualisation de savoir, des fabrications de purificateurs d'air et revente à prix coûtant, et de la distribution de masques. C'est en train de se fédérer, c'est en train de se monter petit à petit. Le but, il est aussi de pouvoir récupérer des fonds pour pouvoir faire de la distribution auprès des personnes qui n'ont pas les moyens de se protéger, hélas, et qui ne sont plus du tout pris en compte dans les calculs de l'État. Hein. Voilà. Merci d'avoir écouté. Ah oui, l'association ARA, vous pouvez la retrouver sur les différents réseaux sociaux, Twitter, X, Mastodon et Blue Sky. Et il y aura des informations au fur et à mesure. Ah, il y a un Linktree aussi, je crois. Je mettrai une fois de plus tout ça en description. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt. Au revoir.